إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui notre cours, c'est le cours numéro 15 dans l'explication de l'usul al-thalatha avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan, et on est arrivé à l'explication de qu'est-ce que c'est le shirk en fait. Bon, on a expliqué que le plus grand péché c'est le shirk, la plus grande chose par laquelle on peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et la plus grande chose qu'Allah nous a interdit de faire c'est le shirk, d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc le cheikh il mentionne des versets qui prouvent que le plus grand péché d'entre tous les péchés c'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les versets qu'il a mentionné, il mentionne le verset 151 à 152 dans surat Al-An'am. Dans ces versets là الله سبحانه وتعالى دي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى آخر الآيات. وهذه الآيات تسمى بالوصايا العشر. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وصاكم به لعلكم تعقلون. Donc le Cheikh explique que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le verset, dit: venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, de ne rien associer avec lui, d'être bon envers les parents, de ne pas tuer vos enfants par crainte de famine. Nous allons leur donner leur subsistance ainsi qu'à nous allons vous donner votre subsistance ainsi qu'à eux, et ne vous approchez pas des turpitudes, des péchés graves, des péchés qui sont laids, que ce soit des péchés qui sont faits de façon apparente ou cachée, et ne tuez pas l'âme qui est sacrée, que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de tuer excepté pour un droit et en toute justice. Et voilà en quoi votre Seigneur vous a enjoint, pour que vous puissiez réfléchir, et ne vous approchez pas des biens des orphelins, excepté de la manière qui est bonne, excepté de la meilleure manière, jusqu'à la fin des versets qui sont mentionnés. Ces versets-là sont appelés les 10 conseils, ou les dix commandements, si on veut. Et on voit que ça commence par dit: venez, je veux vous réciter ce que votre Seigneur vous a ordonné. Puis après, jusqu'à la fin du verset 152. Puis le cheikh il dit: هذه المحرمات بدأها الله بقوله أن لا تشركوا به شيئا فدل على أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. Tous ces péchés là que Allah a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala en commençant l'énumération des différents péchés, la première chose qu'il mentionne c'est de ne rien associer avec lui. Ça c'est la preuve que le shirk c'est le plus grand de tous les péchés, puisqu'il commence par celui-là. Et il mentionne ensuite dans surat Al-Isra, il dit: قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا بدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك فقال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Donc le cheikh explique que dans Surat Al-Isra, il y a également une autre énumération de différentes choses qui ont été interdites. La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, c'est le shirk. Et il dit, n'associe rien, ou ne donne pas, ne met pas, ne place pas avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité. Puis, à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala termine, dans le verset 39, en disant, ne mets pas avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité, sinon tu seras jeté en enfer. Donc ça, c'est des exemples du fait que le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés. Le shirk dit, فدل على أنه أعظم ما نهى الله عنه وهذا يدل على قول الشيخ وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني أو أن تزني بحليلة جارك أن تزاني جليلة حليلة جارك. Donc le cheikh il mentionne ensuite ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه. C'est un hadith authentique dans lequel on pose la question au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, lequel des péchés est le plus grand? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, c'est de donner à Allah subhanahu wa ta'ala un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Et ensuite on lui demande, et puis ensuite, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus grand, c'est quoi l'autre péché après, c'est-à-dire le shirk, ça c'est le premier exemple. Puis ensuite, c'est quoi l'autre péché qui est parmi les plus grands? Il lui dit de tuer ton enfant alors parce que tu crains qu'il soit nourri avec toi. Tu tues ton enfant par crainte qu'il soit nourri avec toi. Hein? Et on lui a demandé ensuite, et lequel par la suite est le plus grand péché? Ou c'est-à-dire, quel autre péché est grand parmi les grands péchés par la suite? Et il lui mentionne le troisième, c'est de faire le zina avec l'épouse de ton voisin. Donc ça, c'est l'énumération de différents grands péchés par ordre de gravité. Hein? Donc le premier c'est le shirk, le deuxième c'est tu tues ton propre enfant, puis le troisième c'est de faire le zina. Le shaykh dit wa anzala Allah at-tasdiq dhalik fi qawlihi ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Donc le cheikh il dit que ça c'est également mentionné même dans le Coran. Ces trois péchés-là sont mentionnés dans le Coran dans le verset 68 dans sourate Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui n'invoquent rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ils n'invoquent pas une autre divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne tuent pas une âme que Allah a déclarée sacrée, excepté pour un droit. Et ils ne commettent pas le zina, c'est-à-dire ils font pas le zina. Et quiconque fait une de ces trois choses-là, alors il a certes fait un grand péché. Donc ça c'est l'exemple des trois péchés qu'on a mentionnés dans le hadith, qui sont mentionnés dans le même ordre dans le verset dans le Coran. Hein? Et donc le cheikh dit فَبَدَأَ بِالشِّرْكِ فِي قَوْلِهِ أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا أي شَرِيكًا وَهُوَ خَلَقَكَ يعني قال هو أعظم الذنوب لأنه سئل أي الذنب أعظم فبدأ بالشرك. Donc on voit que dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, le premier exemple qui est mentionné, c'est de donner à Allah un égal ou bien un partenaire, hein, alors que c'est lui qui t'a créé. Et donc ça c'est la preuve que c'est le plus grand péché, puisque on a demandé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là, lequel d'entre tous les péchés est le plus grand? Et il a répondu que c'était, hein, il a commencé par mentionner le shirk. Il dit ensuite, وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِجْتَنِبُوا السَّبْعُ الْمُبِيقَاتِ قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الحديث. Donc le sheikh il mentionne un autre hadith qui est apporté aussi par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith il est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hein, écartez-vous des sept péchés qui vous amènent à votre perte, al-mubiqat. Et quand on a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que les grands péchés qui nous amènent à notre perte, il a dit premièrement ash-shirk billah, de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a mentionné as-sihr, c'est-à-dire la sorcellerie. Et ça fait aussi partie du shirk avec Allah, as-sihr. Et ensuite il a mentionné qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, c'est-à-dire de tuer hein, le meurtre, de tuer une âme sacrée, une âme qu'on n'a pas le droit de tuer, c'est-à-dire tous les âmes des musulmans sont sacrées excepté pour un droit. Et un droit c'est par exemple lorsque quelqu'un a commis un crime et que la peine pour ce crime-là, c'est la peine de mort, par exemple. Là, dans ce cas-là, cette personne-là sera exécutée par le dirigeant ou par le juge ou le représentant du dirigeant dans un pays musulman, selon les règles de la charia. Et ça, c'est pour un droit. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il y a un droit. Hein? Le cheikh, il dit « وَبَدَأَهَا بِالشِّرْكِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشِّرْكِ هُوَ أَعْظَمُ الظُّنُوبِ ولذلك فإن المشرك لا يدخل الجنة أبدا. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك لا يغفر الله له, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc le cheikh explique ensuite que encore une fois, dans ce hadith-là qu'on vient de lire ensemble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par mentionner le shirk. Et ça, c'est la preuve que c'est encore une fois le plus grand des péchés. Puis ensuite, le shaykh, il dit que c'est pour cette raison-là que le mushrik, c'est celui qui commet le shirk, il ne pourra pas entrer au paradis jamais, c'est-à-dire il ne pourra jamais entrer au paradis. Et les preuves de ça, c'est les versets 72 dans sourate Al-Ma'idah et le verset 48 dans sourate An-Nisa. Dans le verset 72 dans sourate Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement dans ce verset-là que quiconque commet le shirk avec Allah, alors Allah lui a rendu le paradis haram. Allah lui a rendu le paradis interdit et sa destination est l'enfer. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Et dans le verset 48 dans An-Nisa, il y a la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner le mushrik. Allah ne va pas pardonner au mushrik. S'il meurt sur le shirk, si quelqu'un meurt alors qu'il était en train de commettre le shirk et qu'il ne s'était pas repenti du shirk avant sa mort, celui-là, Allah ne va pas le pardonner. Et il mentionne la preuve de cela, c'est le verset qui dit « Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. » Allah ne pardonne pas que quelqu'un commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché, autre que le shirk, à qui il veut. Hein? Donc c'est-à-dire que si quelqu'un meurt et qu'il n'a pas commis de shirk, mais qu'il commettait un autre péché parmi les péchés qui sont moindres par rapport au shirk, eh bien il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne. Et si Allah veut, il le fait rentrer direct au paradis. Hein? Et sinon, il peut le faire rentrer en enfer par sa justice pour un certain temps, mais comme on va voir tout à l'heure, il ne va pas demeurer éternellement en enfer puisque il n'avait pas commis le shirk. Le seul qui va rester en enfer éternellement, c'est la personne qui commettait le shirk ou bien qui était dans le kufr. Donc le cheikh il dit ensuite fadalla zalika ala tahrim al-janna ala al-mushrik. Donc l'enfer il est interdit aux mushrik. Ça c'est des notions hein, de base, des notions très importantes que chaque musulman doit comprendre et que chaque musulman doit connaître. Le cheikh il dit فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَنَّةِ عَلَى الْمُشْرِكِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ لِأَنَّ الذُّنُوبَ مَا عَدَى الشِّرْكِ قَابِلَةٌ لِلْمَغْفِرَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا كله داخل تحت المشيئة إن الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que le paradis il est interdit pour le mushrik, hein, et que Allah ne va pas lui pardonner. Et ça, c'est la preuve que le shirk, c'est le plus grand des péchés. Puisque si ce n'était pas le plus grand des péchés, ce ne serait pas le seul que Allah ne pardonnerait pas. Hein? Donc, c'est le plus grand de tous les péchés. Puisque c'est le seul que Allah ne pardonnera pas. Donc, tous les péchés, autres que le shirk, peuvent rencontrer le pardon, ou peuvent être pardonnés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah peut faire preuve de pardon envers toute personne qui fait des péchés autres que le shirk. Puisque le verset qu'on a lu, le dernier verset 48 dans Surat An-Nisa, dit que Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui. Mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc ça veut dire, on pourrait remplacer dans ce verset, on pourrait dire Allah ne pardonne pas que quelqu'un commette le shirk avec lui, mais il pardonne le zina à qui il veut, et il pardonne le vol à qui il veut, et il pardonne le fait de boire de l'alcool à qui il veut, et il pardonne le riba à qui il veut. Donc tous ces autres péchés autres que le shirk sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui mourrait disons le tawhid, hein, il n'a pas commis de shirk, mais il meurt en commettant certains d'autres parmi les grands péchés, celui-là il est sous la volonté d'Allah, comme on l'a dit tout à l'heure. Si Allah veut, il lui pardonne. Et sinon, il le châtie. Amma al-mushrik, fa'innahu la yughfar, wa hakam Allahu annahu la yaghfirahu. Wa kadha al-asi, in kana indahu kaba'ir, duna al-shirk, fa'innahu la tuhramu alayhi al-jannah, wa ma'aluhu ila al-jannah. Imma an yaghfir Allahu lah, min awali wahla, ويدخله الجنة بارك الله فيك وإما أن يخرج من النار بعد تعذيبه ويدخل الجنة المؤمن مهما كان منه من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا يحرم من الجنة وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que donc le shirk Allah ne le pardonne pas contrairement aux autres péchés et Allah a jugé à son sujet qu'il ne va pas lui pardonner. Il dit que tandis que la personne qui est pécheur qui a commis d'autres péchés autres que le shirk, yani celui-là tous les autres péchés qu'il a fait parmi les grands péchés qui sont moindres que le shirk ne vont pas lui interdire le paradis de façon absolue, c'est-à-dire dans le sens que même s'il rentre pas directement au paradis, ça se peut qu'il rentre directement au paradis si Allah veut, du premier coup il va lui faire rentrer, mais s'il ne rentre pas directement au paradis et qu'il rentre en enfer pour un certain temps pour être châtié à cause de ses péchés, il va pas rester éternellement dans l'enfer. Il va sortir de l'enfer après un certain temps, puis rentrer au paradis. Donc, le croyant, peu importe ce qu'il fait comme péché et comme désobéissance, moindre que le shirk, il ne doit jamais perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, parce que le paradis ne lui est pas interdit. Et il rentre, hein, dans le pardon par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-mushrik fa innahu mahroumun min thalika kullihi wal'iyazu billah. Fadalla ala anna al-shirk huwa a'zamu al-zunub. Qala ta'ala inna al-shirk la zulmun azim. Donc le cheikh il dit que le mushrik, donc tout cela lui est interdit. Et ça, c'est la preuve que le plus grand péché, c'est le shirk. Il n'y a pas un péché plus grand que celui-là. Le shaykh il dit ensuite, وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا مُبِينًا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه والتحذير منه وأن لا يسكتوا عن التحذير من الشرك وأنه وعليكم السلام ورحمة الله وأنه يجب جهاد المشركين مع القدرة كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit par la suite que Allah il dit dans le verset 48 dans sourate An-Nisa juste après quand il dit par exemple donc c'est ça, il dit le plus grand des péchés c'est la plus grande injustice c'est le shirk. Inna shirka la zulmun azim, c'est la plus grande injustice. Ça c'est le verset 13 dans sourate Luqman. Et ensuite le verset 48 dans sourate An-Nisa quand Allah dit inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, juste après Allah subhanahu wa ta'ala il dit et quiconque associe avec Allah ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما, ça veut dire il a certes inventé, celui qui fait le shirk avec Allah il a certes inventé un grand péché, un grand mensonge. Et il mentionne ensuite le verset 116 dans sourate An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا, celui qui fait le shirk avec Allah, il s'est certes égaré d'un égarement lointain. Donc tout ça, ça indique que le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés. Et que, yani, si le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés, et qu'on est conscient de ça, alors ça nécessite et ça rend obligatoire à tous les ulama et à tous les enseignants d'interdire le shirk et de mettre en garde contre le shirk et de ne pas se taire par rapport à l'avertissement contre le shirk. Et ça, c'est une obligation. Et le shirk, il dit, il est obligatoire également de lutter contre les mouchriquins avec la capacité, comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a lutté contre les mouchriquins. Et donc, ça, c'est un point important, même que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, « وَقَالَ تَعَالَى وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فيجب التحذير من الشرك وبيانه للناس حتى يجتنبوه وهذا الذي يجب. Donc, yani, qu'est-ce que le cheikh il nous explique ici? Il nous explique quelque chose, en fait c'est la base, que le shirk c'est le plus grand de tous les péchés, donc il faut mettre en garde contre ça. Et les ulama, c'est ça leur priorité, ils doivent enseigner en premier de toute chose, c'est le danger du shirk et bien entendu le tawhid. Et ceux qui enseignent l'islam, eux aussi ils doivent se concentrer sur le tawhid. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parce que c'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu en premier. Il a combattu les mouchriquins à la Mecque. Et il a lutté contre eux. Il a fait le djihad contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils commettaient le shirk. Pas pour d'autres raisons. Parce qu'ils commettaient le shirk. Et du moment qu'ils acceptent le tawhid et qu'ils entrent dans l'islam, ils cessent de les combattre. Donc, ça c'est l'obligation que la Umma a, même encore aujourd'hui, selon la capacité, bien entendu, de combattre et de lutter contre le shirk et les mouchriquins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans plusieurs versets, comme le shaykh, il mentionne le verset 5, dans surat At-Tawbah, il nous ordonne de combattre les mouchriquins. Le verset 5, dans surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de lutter et de combattre contre les mouchriquins là où on les trouve. De les prendre et de les attraper et de les guetter et de les combattre dans toute occasion. Donc ça c'est lorsque bien entendu les musulmans ont la capacité, et ça c'est bien entendu le djihad que l'islam a ordonné avec les conditions, c'est-à-dire avec le dirigeant, derrière la bannière et lorsque les musulmans sont capables, hein, et toutes les conditions sont présentes. Les musulmans ont la responsabilité d'enrayer de la surface de la terre toute idolâtrie et toute adoration qui est offerte à autre que à Allah le seul, hein, le seul créateur. Et donc, s'il y a sur la terre des idoles ou des statues ou des choses qui sont adorées par les êtres humains autres que Allah, alaykoum salam wa rahmatullah, le devoir des musulmans et l'obligation des musulmans, c'est de combattre ces idoles-là et de détruire ces idoles et d'appeler les hommes au tawhid et à l'adoration du Dieu seul, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Naam. Naam. Barakallahu fik. Bon, ça c'est comme tu dis, par exemple, les gens, par exemple, dans certains pays africains, qui sont des pays musulmans, parfois, ils vendent des statues. Et c'est des trucs qu'ils vendent pour les touristes, hein, et même des fois dans certaines boutiques africaines, même ici à Montréal, on retrouve des petites statues comme ça, sculptées, dans du bois d'ébène ou autre, et puis ils vendent ça pour les touristes. Eux, ils font ça pour faire de l'argent, mais l'islam a interdit de faire des statues en forme humaine ou animale. Donc, bien entendu, ils doivent yani cesser de faire ça. Et c'est interdit pour eux de le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans plusieurs hadiths le châtiment de la personne qui fait des représentations humaines ou animales. Et que ces représentations-là vont prendre vie au jour de la résurrection. Hein, et vont châtier la personne qui les a fabriquées. Et même que cette personne sera châtiée, hein, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, essaie de faire une âme, de la faire vivre, essaie de lui mettre une âme, et il va continuer à être châtié par ça. Donc, il y a beaucoup d'autres mentions du danger de commettre ce genre de péché, de faire des représentations de statues humaines ou animales. Donc, la meilleure façon d'agir envers des gens qui font ce genre de choses-là, premièrement, c'est de leur expliquer que qu'est-ce qu'ils font, c'est contraire à l'islam, hein, et de leur mentionner les hadiths à ce sujet-là et les preuves à ce sujet-là, puis de leur expliquer que de le vendre, même si toi tu crois pas en ces statues-là, c'est comme il y a des fois dans des magasins des musulmans qui vendent des croix, hein, des croix, il y en a d'autres qui vendent des statues de Marie, de Jésus, ou bien des images de Marie ou de d'autres prophètes. Donc ça c'est haram, hein. Même Allah musta'an, même en Iran, les Shi'as, ils vendent des images de Ali, radiallahu anhu, ils pensent que c'est lui, ils font des dessins de lui, puis ils vendent ça, comme les chrétiens font des images de Jésus, ils font des images de Ali, et même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vendent ça dans les marchés. Et ils mettent ça sur leurs murs. L'islam a interdit ce genre de choses-là. Hein? Donc, même si c'est pour les touristes, ou on dit c'est pas pour les musulmans, c'est pas grave. On n'a pas le droit de les vendre. On n'a pas le droit de les vendre quand même. Donc, l'islam est venu pour combattre le shirk et l'idolâtrie. Et c'est ça la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même si aujourd'hui, les musulmans, on est dans la situation de faiblesse, et qu'on n'est pas dans la capacité d'affronter, disons, les idoles et les idolâtres, et ceux qui appellent au shirk, avec, disons, les armes et la force, ça n'empêche pas qu'on a la capacité de combattre le shirk et les mouchriquines avec les preuves et avec les arguments et avec les explications de l'islam, les preuves du tawhid qui sont dans le Coran et dans la sunna, et les preuves de l'unicité d'Allah, et de leur montrer la fausseté de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, hein, et de la futilité de leur croyance, pour que par la suite ils entrent dans l'islam et qu'ils soient convaincus que le tawhid c'est la vérité. Donc ça c'est, hein, ça c'est une obligation pour les musulmans qui ont la capacité, qui ont la connaissance et qui savent comment clarifier et expliquer aux gens la réalité de l'islam. Donc ça c'est très important. Et le cheikh il dit donc c'est important de mettre en garde contre le shirk et d'expliquer aux hommes le shirk pour qu'ils puissent s'en écarter. Ça c'est la première obligation. وَأَمَّا أَنْ يُسْكَتْ عَنِ الشِّرْكِ ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله وهم يدعون الإسلام ولا أحد ينهى ولا أحد يحذر فالأمر خطير جدا وهناك ناس يتجهون إلى النهي عن الربا والزنا وفساد الأخلاق هذه أمور محرمة وفيها فساد ولكن الشرك أعظم فلماذا لا يهتم بالنهي عن الشرك والتحذير من الشرك وبيان ما يقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغافل عنه وترك الناس يقعون فيه والعلماء موجودون بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم donc le cheikh il dit pourquoi alors les gens se taisent au sujet du shirk et que les gens laissent errer les gens dans l'ignorance et dans l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils prétendent appartenir à l'islam et que personne ne leur interdit le shirk qu'ils commettent et qu'ils font personne ne les met en garde hein? Donc ça c'est quelque chose de très dangereux il y a des gens qui se précipitent vers ou se dirigent vers l'interdiction du riba l'interdiction du zina l'interdiction du fait d'avoir un mauvais comportement toutes ces choses là c'est clair que ce sont des choses qui sont haram qui sont interdites en islam et que c'est de la corruption et que c'est du désordre et que c'est mauvais sauf que le shirk est plus grave le shirk est plus dangereux donc pourquoi dans ce cas là on ne donne pas d'importance à l'interdiction du shirk et on ne met pas en garde contre le shirk pour avertir les gens qui tombent dans le shirk majeur justement, alors qu'ils pratiquent ou qu'ils prétendent être musulmans. Hein? Donc ça, c'est très important. Et tu vois, dans certains pays, le cheikh, il le mentionne dans d'autres passages, mais il le dit, à chaque fois, il le répète, des gens qui adorent des statues, dans plein de pays dans le monde aujourd'hui, il y a plein de gens qui adorent des tombes, il y a plein de gens qui adorent des saints, il y a plein de gens qui vont vénérer ces endroits-là. Et donc, tu vois que dans certains pays musulmans, il y a des gens qui sont reconnus comme étant des ulama dans ces pays-là. Et les gens les considèrent comme étant des savants dans ces pays-là. Et ils ne disent rien contre ce genre de pratiques. Ils ne condamnent même pas ces pratiques-là non plus. Hein? Donc ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ces gens-là voient ou soient témoins de ça? Et puis ils ne disent pas un mot contre le shirk qui est pratiqué dans ces pays-là? Alors que c'est ça le plus grand péché. Hein? Et si on regarde aujourd'hui, comme on a parlé la semaine passée, il y a des exemples de différentes jama'ats qui prétendent appeler à l'islam, qui prétendent appeler, par exemple, à la religion musulmane, au bon comportement et à beaucoup d'autres choses, à la salat, et qui laissent les gens dans le shirk. Ils ne les mettent pas en garde lorsqu'ils tombent dans le shirk. Et même certains d'entre les fondateurs d'une jama'a aujourd'hui dans le monde musulman, à plusieurs reprises, il appelait les gens, par exemple, à sortir des cafés, à pas traîner, à pas abandonner la salat, disons des choses de ce genre. Puis, lors des célébrations de la naissance des saints ou des choses de ce genre, ou de Maulid al-Nabawi et des choses comme ça, ils allaient participer avec les gens qui adorent les tombes à leur célébration. Donc, comment quelqu'un, il appelle les gens à la salat et il appelle les gens à la moralité et à des bonnes choses, des bons comportements de l'islam, puis quand c'est le temps de mettre en garde les gens contre le plus grand de tous les péchés, celui qui fait que tu seras interdit au paradis, celui qui fait que tu seras éternellement en enfer, ils ne disent pas un mot à ce sujet-là. Hein? Donc ça c'est très grave. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des gens qui, on en a parlé souvent, des gens qui ont appris l'islam, qui ont étudié le tawhid et des choses de ce genre, et qui retournent dans les pays musulmans par la suite, et qui ne mettent pas d'importance sur l'appel au tawhid et l'avertissement contre le shirk, il rentre avec les gens de bid'ah parfois et il se laisse aller. Hein? Et par la suite, ils n'interdisent pas qu'est-ce qui est contraire au fondement de l'islam. Donc le shirk, il dit pourquoi pourquoi les gens prennent les choses tellement à la légère, ils se laissent aller dans ces genres de choses-là, hein, au sujet du shirk. Pourquoi ils prennent ça comme des gens insouciants, indifférents, comme si c'était pas grave. Et ils laissent les gens faire ces choses-là. Alors que les ulama sont présents dans ces pays-là, et ils vivent avec ces gens-là, et ils ne disent rien. Ils ne disent pas un mot. Hein? Donc ça, c'est grave. Le cheikh, il dit, al-wajib, hein? Parce qu'il y a toujours cet argument-là qui revient à chaque fois de la part de certains individus, Allah al-musta'an, qui disent, on ne veut pas les faire fuir. Donc on ne leur parle pas de ça. Parce que si tu leur mentionnes que ça c'est chier, que c'est pas bon, les gens vont s'éloigner, ils voudront plus écouter. Et Allah al-musta'an, le devoir des messagers, c'est de transmettre le message. Hein? Après le cheikh, il dit, الواجب أن يتجه أولا إلى النهي عن الشرك أو إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذي فتك بالأمة فتكا ذريعا كل ذنب دونه فهو أهون منه والواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم. Donc c'est ça l'obligation. Le premier, c'est de mettre en garde contre ce grand péché là qui a atteint cette Umma, et tout autre péché est yani, moins grave que celui-là, c'est-à-dire c'est le plus important, le plus grave de tous les péchés, c'est le shirk. Donc c'est par celui-là qu'il faut commencer. Ensuite, le shirk explique la définition. C'est quoi le shirk, hein? Si tu veux mettre en garde contre le shirk, il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir c'est quoi la définition du shirk. Parce que souvent on répète le mot shirk, shirk, shirk. Les gens entendent shirk. Mais si tu leur demandes, est-ce que tu peux me définir c'est quoi le shirk, personne ne peut répondre. Parce que les gens ne savent pas. Il y en a qui vont répondre des choses, mais tu vois que c'est des choses contraires à ce qui est réellement la vérité par rapport au shirk. Et il y a même parmi les prêcheurs, les gens qui appellent à l'islam, qui ont complètement déformé la signification du mot shirk. Hein? Qui ont fait rentrer dans le shirk des choses qui n'ont rien à voir avec, et ou bien qui ont exclut du shirk des choses qui font partie du shirk. Et donc les gens sont souvent mélangés par rapport à ces choses-là. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui n'est pas shirk. Donc, malgré que c'est souvent des gens qui prétendent appeler à l'islam, étant donné qu'ils ne commencent pas par la aqidah. Hein, et déjà on a expliqué que dans la définition du tawhid, du mot tawhid, ils ont des erreurs dans leur compréhension. Étant donné que le shirk c'est le contraire du tawhid, donc si quelqu'un a une mauvaise définition du terme tawhid, c'est certain qu'il aura une mauvaise définition du mot shirk, puisqu'il ne connaît pas le tawhid. Hein? Donc le cheikh il dit, « Wa huwa da'watu ghayrihi ma'ah ». C'est-à-dire, c'est d'invoquer d'autres avec lui, c'est-à-dire d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, « Hada ta'rifu shirk ». Wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu. بمعنى أن يصرف شيء من العبادة لغير الله من ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو بنية من البنيات أو غير ذلك من كل المخلوقات فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو أعظم ما نهى الله عنه هذا هو الشرك. فاعرفوا تفسير التوحيد وتفسير الشرك لأن هناك من الناس من يفسر التوحيد بغير تفسيره ومن يفسر الشرك بغير تفسيره. Donc le cheikh il dit, c'est ça la définition du shirk, c'est d'invoquer d'autres avec Allah, ou bien si on veut de façon plus générale, c'est d'adorer d'autres avec Allah, d'adorer d'autres avec Allah. Hein? Donc le cheikh il dit, ça signifie que tu offres à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. C'est ça le shirk. Le tawhid, on l'avait défini dans les cours précédents. On a dit que le tawhid, c'était d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Hein? C'est-à-dire de savoir que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le contraire de ça, c'est d'offrir à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration. Si quelqu'un offre à autre que à Allah, ou adore avec Allah quelque chose en lui offrant une forme d'adoration, peu importe, alors dans ce cas-là, il est tombé dans shirku billah. C'est ça, shirk. Ok? Donc le cheikh il dit, par exemple, quelqu'un qui adore un ange parmi les anges, il lui offre des prières à l'ange, il demande à l'ange, hein, ou il l'adore par une autre forme quelconque d'adoration, ou bien il prie à un prophète, ou il demande à un prophète, ou à un homme pieux parmi les hommes pieux, ou à une construction, ou un bâtiment parmi les bâtiments, comme par exemple un tombeau, ou quelque chose comme ça, ou n'importe quelle autre créature parmi les créatures. C'est pas nécessaire que la chose que la personne va adorer en dehors d'Allah soit une statue. Puis là tu dis, ah ça c'est une statue, ça veut dire ça c'est shirk parce que c'est une idole. Puis si c'est pas une statue, c'est correct, tu peux l'adorer. Non, peu importe que ce soit une statue ou un être humain ou un ange ou un djinn ou autre, si tu l'adores en dehors d'Allah ou avec Allah, ça veut dire que tu as commis le shirk. C'est pas spécifique à une idole. Et il y en a qui pensent que si c'est pas une idole, si c'est pas une statue en forme d'animal ou d'être humain, donc ça c'est pas shirk. Non. Si tu adores, peu importe qu'est-ce que tu adores en dehors d'Allah, le fait que tu lui offres une adoration quelconque, ça devient du shirk. Dans ce sens-là, t'es un mushrik. Peu importe que ce soit un homme pieux ou un prophète, comme il y en a qui disent, parmi les gens qui adorent les tombes et les awliya, ils disent, nous on n'est pas des mouchriquins, on n'adore pas des idoles. Et ils pensent qu'il y a une différence entre le fait d'adorer une statue ou une idole et d'adorer un prophète ou un saint. Alors que les deux c'est la même chose. L'essence c'est la même chose, c'est que tu offres à autre que à Allah une forme d'adoration quelconque. Donc, le cheikh il dit donc, vous devez connaître, c'est ça le shirk. Donc vous devez connaître la signification et l'explication de la définition du tawhid, qu'est-ce que c'est, et de connaître également la définition du shirk. Parce qu'il y a des gens qui interprètent le tawhid de façon incorrecte et qui interprètent le shirk de façon incorrecte. Okay? Et c'est bien normal que les gens qui commettent le shirk l'interprètent incorrectement, parce que la plupart d'entre eux, ils accepteraient jamais de reconnaître qu'ils font du shirk. Vous allez voir des gens qui adorent les tombes aujourd'hui, et vous leur dites, qu'est-ce que vous faites, ça c'est shirk? Ils vont pas accepter. Ils vont pas être satisfaits de se faire appeler mushrikin, ou de se faire dire que ce qu'ils font c'est du shirk. Donc qu'est-ce qu'ils font pour se sauver de ça? C'est de déformer la définition du shirk et de lui donner une autre signification. Et c'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a écrit un autre livre qui s'appelle Kashf al-Shubuhat. On l'a étudié ce livre-là. Et dans ce livre-là, le cheikh il répond à toutes les différentes shubuhat que les mushrikines, les gens qui adorent autre que Allah, ramènent pour justifier ce qu'ils font comme shirk. Parmi les gens qui se disent musulmans et qui adorent des saints ou des tombes, et ils essaient de ramener des arguments pour distinguer ce qu'ils font de ce que faisaient les mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab réfute et clarifie chacune de ces faux arguments-là que ces gens-là ramènent. Donc ça c'est un livre très important, très intéressant, qui s'appelle « Kashf al-Shubuhat ». Donc, pour revenir à ce que le cheikh dit par la suite, et là, il va donner des exemples de fausses définitions, de fausses compréhensions par rapport au shirk. Des gens qui ont des idées au sujet du shirk qui ne sont pas correctes, ou qui font rentrer dans le shirk qu'est-ce qui n'a aucun rapport avec le shirk, ou bien qui mélangent la vérité et le faux. Donc, le cheikh dit, « مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُونَ إِنَّ الشِّرْكَ هُوَ الشِّرْكُ فِي الْحَاكِمِيَّةِ وهذا ظهر الآن مع الأسف أن الحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الشرك يسمى شرك الطاعة لا شك أن طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا نوع من الشرك ولكن هناك ما هو أعظم منه وهو عبادة غير الله بالذبح والنذر والطواف والاستغاثة فالواجب أن يحذر من الشرك كله لا يؤخذ منه ويترك ما هو أعظم وأخطر منه فلا يفسر الشرك بأنه الشرك الحاكمية فقط أو الشرك السياسي ويقولون شرك القبور هذا شرك ساذج أي هين هذه جراءة على الله سبحانه وتعالى الشرك أعظم ما نهى الله عنه وهو دعوة غيره معه وهذا هو الشرك. Donc le cheikh il explique qu'il y a parmi les gens aujourd'hui, quand il parle du shirk, il ne mentionne que shirk al-hakimiyya ou shirk fil-hakimiyya, c'est-à-dire le shirk dans le jugement ou dans la façon de juger. Et ça c'est quelque chose qui est apparu à notre époque, hein? C'est-à-dire de juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, de juger par autre que ce que Allah a révélé. Et le cheikh il dit que de juger par autre que la loi d'Allah, ça c'est une parmi les formes de shirk. C'est-à-dire que al-hakimiyya, moi j'ai pas le tableau, sinon je l'aurais écrit, hein, al-hakimiyya, c'est yani une forme parmi les formes de shirk qu'on appelle shirk al-ta'a, le shirk dans l'obéissance. Shirk al-hakimiyya. On va ramener le tableau, on va l'écrire, inshallah. On l'appelle également shirk al-ta'a, le shirk dans l'obéissance. C'est-à-dire d'obéir à une créature dans le fait de rendre halal ce qui est haram, ou dans le fait de rendre haram ce qui est déclaré halal par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait ça, il a commis un shirk. Ça, c'est une forme de shirk. Tu rends halal ce qui est haram à cause de quelqu'un. Qu'est-ce que quelqu'un a dit? Et tu rends haram ce qui est halal à cause de qu'est-ce que quelqu'un a dit. Hein? Tu obéis à une créature dans le contraire de ce que Allah a légiféré. Et tu l'écoutes et tu l'obéis dans ça. Hein? Ça rentre dans le shirk. Non. Ah, ok. Masha'Allah. Shirk al-hakimiyya. طيب. Donc ça c'est l'exemple. Ok, il y en a qui le problème c'est que c'est vrai que c'est une forme de shirk. Shirk fil hakimiyya, ça existe dans le sens que si quelqu'un rend halal ce qui est haram, hein, il obéit à quelqu'un dans le fait de rendre halal ce qui est haram, ou dans le fait de rendre haram ce qui est halal, ça fait partie du shirk. Il y a un exemple de ça qui est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement récitait le verset yani ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des égaux, comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et il y a un sahabi qui était chrétien auparavant et qui s'était converti à l'islam. Il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mentionner ce verset. Alors, il a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, nous ne les adorions pas. C'est-à-dire, on leur offrait pas des adorations. C'est-à-dire, on se prosternait pas devant eux, ou on leur priait pas à nos moines ou à nos rabbins. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, n'est-ce pas qu'ils rendaient haram ce qui est halal, et vous les obéissiez là-dedans? N'est-ce pas qu'ils rendaient halal ce qui est haram et vous les obéissiez là-dedans? Il a dit certes oui. Alors ça c'était la façon dont vous les adoriez, c'était comme ça que vous les adoriez. Donc de rendre halal ce qui est haram, ou de rendre halal de haram ce qui est halal, on obéit à une créature dans ça, alors ça fait partie du shirk, d'accord? Sauf que ça peut faire partie du shirk majeur dans certains cas, parfois ça peut faire partie du shirk mineur, d'accord? Donc le fait d'obéir à un ordre qui est contraire à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, si la personne croit que cette chose-là est devenue halal, donc par exemple quelqu'un te demande de faire quelque chose qui est haram, puis toi tu le fais, cette chose-là tu le fais, sauf que dans ton cœur tu sais qu'elle est haram, tu reconnais qu'elle est haram, mais tu le fais parce que t'es faible, tu veux de l'argent. Comme par exemple quelqu'un, comme t'as dit, il te demande de vendre de l'alcool. Toi tu sais que l'alcool c'est haram, mais tu travailles dans le magasin et ton patron il ramène de l'alcool, il te demande de le vendre. Toi dans ton cœur tu sais que c'est haram l'alcool, tu le vends sans le rendre halal. Ça c'est un grand péché parmi les grands péchés, mais toutefois ça rentre pas dans le shirk qui fait sortir de l'islam. C'est pour ça les ulama ils ont distingué entre le shirk akbar et le shirk asrar. Le shirk akbar c'est celui qui fait sortir de l'islam, Puis il y a le shirk d'un shirk ou bien kufr d'un kufr, c'est-à-dire le kufr qui ne fait pas sortir de l'islam. Hein? Donc ça fait partie des exemples de ça. Donc le cheikh dit c'est vrai que ça fait partie du shirk, sauf que il y a des formes de shirk qui sont plus graves que celles-là. Hein? Il y a des formes de shirk qui sont plus graves que celles-là, comme le fait d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de dégorger ou d'immoler un animal pour autre que Allah, ou bien par exemple de faire des vœux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'imposes à toi-même de faire des bonnes œuvres par rapport à un saint ou un wali. Hein? Tu fais des vœux pour une tombe ou des choses de ce genre. Ou bien de faire des tawaf, c'est-à-dire tu fais des tours autour de la tombe, hein? Autour d'une tombe ou des choses de ce genre, comme le font certains aujourd'hui dans les pays musulmans. Ou bien de chercher le secours ou d'appeler au secours un wali ou un saint, hein? Comme le font certains parmi les soufis hein, aujourd'hui. Quand ils ont un moment de malheur ou détresse, au lieu d'appeler Allah, ils appellent le saint ou le wali ou le sheikh. Donc ça rentre dans le shirk akbar. Donc ça, c'est plus grave que cette autre catégorie qu'on appelle shirk ta'a. Donc le sheikh dit, l'obligation, c'est de mettre en garde contre le shirk en entier. Toutes les formes de shirk, sans exception. Hein, tu ne vas pas prendre une, puis laisser les autres. Hein, tu dis, tu avertis contre une forme de shirk, puis tu n'avertis pas contre les autres. Non. Le cheikh, il dit, toutes les formes de shirk sont mauvaises et on doit avertir contre toutes les formes de shirk. Hein? Mais le cheikh, il dit, mais d'avertir contre une forme de shirk, puis tu laisses les autres, ça c'est pas correct. Donc il dit, on ne doit pas avertir contre une forme de shirk, puis tu avertis pas contre les autres. Alors que les autres formes de shirk sont peut-être plus dangereuses. C'est-à-dire que les autres formes de shirk, comme on a mentionné, le fait d'adorer d'autres avec Allah, c'est plus grave que le shirk dans Al-Hakimiyya. Donc on ne peut pas interpréter le shirk en disant que c'est shirk seulement dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, et de dire que ça c'est le shirk politique. Et ils disent aujourd'hui, par exemple, que le shirk qui est fait autour des tombes, et ça c'est le shirk primitif, hein? Le shirk naïf, shirk primitif. Le shirk aujourd'hui c'est le shirk politique, le shirk de rendre halal ce qui est haram, de rendre haram ce qui est halal. En faisant ça, en fait, en disant ça, c'est comme s'ils veulent dénigrer le shirk contre lequel les messagers ont mis en garde. Ils veulent essayer de dire, ah ça c'est un shirk yani primitif, c'est ancien yani. Alors que maintenant il y a des nouveaux shirk, de nouvelles formes de shirk comme le shirk de politique, le shirk des lois et des droits et des choses de ce genre. Et ils font ça parce que ils veulent utiliser pour parler de se concentrer sur la politique seulement. Ça c'est souvent ceux qu'on appelle les hizbiyin, les jama'at contemporaines comme les ikhwan et d'autres. Ils se concentrent uniquement sur ça, sur les lois et sur les choses qui ont rapport avec yani al-hakimiyya, pour l'utiliser comme un moyen de rassemblement des masses et un moyen de discours politique qu'ils veulent adopter. Et ils l'utilisent aussi pour déclarer kuffar les gouvernements musulmans et les dirigeants, pour par la suite se permettre de faire des révolutions et des attentats, hein, et des coups d'État et des choses de ce genre. Donc ils se concentrent uniquement sur qu'est-ce qu'ils appellent shirk fil hakimiyya seulement. Et quand ils voient des gens autour des tombes en train d'adorer des morts, ils disent rien. Ah, ça c'est pas grave, ça c'est du shirk primitif, alors que c'est la majorité des hommes qui sont la majorité des gens qui sont dans les pays musulmans qui font du shirk, c'est de cette catégorie là de shirk qu'ils font. C'est pas de la shirk dans la siyasa ou dans la politique ou dans les lois, hein. Exactement. Barakallahu fik. Donc, s'il y en a dans certains pays, par exemple, qui, ils ont réussi, par exemple, bon, certains de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oh, bon, nous, on veut prendre le pouvoir dans un pays musulman pour établir la charia. Et pour eux, établir la charia, c'est quoi? Ça se limite à établir les peines. C'est-à-dire que si quelqu'un a volé, on coupe la main. Si quelqu'un a fait le zina, on le lapide. Si quelqu'un a tué, il va être exécuté, ainsi de suite. Ça, c'est une partie de l'application de la charia. Mais ce n'est pas l'application de la charia en entier. Quand c'est le temps d'appliquer la charia dans l'aqidah, et dans le tawhid, et dans l'adoration d'Allah, ça ne donne pas d'importance. Hein? Donc, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, si, je ne sais pas moi, demain, le Canada décidait que les lois, ça allait être les lois de la charia, et qu'ils allaient couper la main du voleur et lapider les femmes qui font l'adultère et les hommes qui font l'adultère, mais qu'ils acceptent que d'autres soient adorés en dehors d'Allah, puis qu'on continue à yani, commettre et pratiquer le shirk dans le pays. Est-ce que ça va être l'application de la charia? Non, puisque appliquer la charia, ça commence par l'application de la base de la charia. Et la base de la charia, c'est quoi? C'est le tawhid. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant d'appliquer les lois et les peines et autres choses, qu'est-ce qu'il a appliqué en premier? La ilaha illallah, c'est le tawhid qui passe en premier. Donc si dans un pays musulman, par exemple, ces groupes-là, ils disent, nous on va appliquer la charia, puis du moment qu'ils ont pris le pouvoir par la suite, ils continuent à laisser les gens adorer les tombes, laisser les gens pratiquer les bizarres et ils ne condamnent pas ces choses-là et ils n'appellent pas les gens au tawhid, alors quelle charia ils vont appliquer dans ce cas-là? Ils n'ont appliqué aucune charia, hein? Puisque l'application de la charia, ça commence par l'application du tawhid, hein? Donc ils doivent, s'ils veulent vraiment appliquer le tawhid, commencer par détruire les tombes qui sont adorées par les gens en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et appeler les gens à l'adoration d'Allah seul. Hein, ils n'ont pas juste appelé à l'application des peines, puisque ça c'est juste une partie de la charia. Barakallahu fik. Exactement. Exactement. Ouais. Donc comme le frère Mega il dit, ça c'est un point important, c'est que même s'ils prennent le pouvoir, ils n'appliquent même ces peines-là, ils les appliquent pas. Hein, déjà maintenant on entend Tariq Ramadan qui appelle à un soi-disant moratoire. Et il dit clairement que les peines de la charia sont pas applicables. Hein? Que c'est soit qu'il dit que c'est monstrueux, ou soit que son frère dit que c'est seulement dissuasif, hein? Et que ça c'est pas quelque chose qui doit être appliqué réellement. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui. Et donc c'est un exemple de qu'est-ce qu'on entend de la part de certains qui se concentrent uniquement sur al-hakimiyya et qui ne parlent pas d'autres formes de shirk. Et quand vous voyez par exemple Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est un livre qui contient 68 chapitres. 68 chapitres dans lesquels il explique et clarifie le Tawhid et des catégories de différentes sortes de shirk. Dans tout ce livre-là, il y a deux chapitres qui parle de al-hakimiyya, hein, du fait de an halal, ce qui est haram, ou an haram, ce qui est halal. Il y en a un en particulier sur ça, et il y en a un sur l'obéissance des dirigeants et des savants dans ce qui est contraire à la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein. Donc, sur tous les 68 chapitres, eux, ils ont pris deux chapitres seulement. Et ils se concentrent juste sur ces deux chapitres-là, et ils laissent les 66 autres chapitres. Qu'est-ce qui est arrivé avec les 68 autres, les 66 autres chapitres, hein? Ils les ont laissés de côté. Donc le cheikh il dit ensuite ومنهم من يقول الشرك هو محبة الدنيا ومحبة المال المال جعله الله محبوبا حبا طبيعيا وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لا شديد أي المال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله قال أحب إليكم ما أنكر عليهم أنهم يحبونه ولكن أنكر عليهم أنهم يقدمون محبته على محبة الله محبة المال ليست شركا لأن هذه محبوبة طبيعية أو محبوبة طبيعية. الناس يحتاجون إلى المال ويحبونه. محبة المال ليست شركا لأنه من محبة المنافع التي ينتفع بها الإنسان. ولكن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات إما أنهم جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك، وإما أنهم معرضون يريدون صرف الناس عن هذه الحقائق إلى أشياء هم يريدونها ومآرب يريدونها، والله أعلم بالمقاصد. Donc il donne un autre exemple de déformation de la réalité du tawhid. Comme par exemple, parmi les gens aujourd'hui qui parlent de l'islam, qui prétendent appeler à l'islam, il y en a certains d'entre eux qui vont dire que le shirk, c'est d'aimer la dunya. Donc, ils disent, si t'aimes la dunya, ça c'est shirk. Hein, t'aimes l'argent. Hein, t'aimes les belles choses. Et même, justement, par rapport à ça, il y a certains qui ont interprété ça de cette manière-là. Comme toi avec Ramadan en particulier, mais on retrouve ça également dans les paroles de Sayyid Qutb et dans les paroles de Muhammad Qutb, son frère, et de d'autres également parmi les soi-disant penseurs islamiques. Hein, ils ont interprété le shirk en disant que le shirk, c'est l'amour de la dunya. Et même certains d'entre eux, par exemple, Tariq Ramadan, dans un de ses cours, quand il parle du shirk, il donne l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, quand il cassait les idoles. Il dit aujourd'hui, casser les idoles, ce serait casser Coca-Cola, casser les belles voitures, hein, casser les multinationales, hein, casser les beaux vêtements, les belles marques. Hein. Il interprète le shirk en disant c'est l'amour des biens. Hein, l'amour de soi, en tout cas. Il fait rentrer dans le shirk, qu'est-ce qui n'est pas le shirk, hein, casser les belles voitures. Exactement. Ils essaient d'interpréter l'islam une interprétation socialiste, hein, puis dénoncer communiste et dénoncer la consommation, la surconsommation, dénoncer tout ça, et faire de ça une base de l'islam. Allah al-Musta'an. Interpréter le Coran à la lumière de qu'est-ce que Karl Marx a dit et à la lumière de qu'est-ce que Hegel a dit ou des autres penseurs communistes. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, il explique. Il dit d'aimer les biens, c'est pas shirk. Hein? D'aimer les biens, ça c'est quelque chose que Allah a mis en l'être humain et c'est un amour naturel. C'est un amour qui est naturel. Il mentionne dans plusieurs versets, comme par exemple le verset 20 dans Surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous aimez les biens d'un amour grand, d'un très grand amour. Et il mentionne, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ, l'être humain, il aime le bien, il a un amour très fort pour le bien. Et il mentionne les versets 24 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis au Muhammad, si vos pères ou vos fils ou vos frères in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum, vos épouses wa ashiratukum, et vos familles wa amwalun iqtaraftumuha, et vos biens que vous avez gagnés, hein, que vous avez acquis. وتجارة تخشون كسادها, de même que des commerces que vous faites dont vous craignez de les perdre, le déclin. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها, et vos demeures que vous agréez. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله, sont plus aimés de vous que que Allah et son messager, et que de lutter dans son chemin. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, donc attendez jusqu'à ce que Allah vienne avec son commandement. Donc ça c'est, dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il énumère une série de biens, de richesses que les hommes aiment. Le cheikh il dit, qu'il a dit, sont plus aimés de vous. Donc le cheikh il dit, Allah n'a pas blâmé le fait qu'on aime ces biens-là. Il a uniquement blâmé et condamné le fait de les mettre en avant dans notre amour. et de les aimer plus que notre amour d'Allah, que notre amour pour ces choses-là soit plus grand que notre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de les aimer, ces choses-là, c'est pas shirk en soi, et c'est pas condamné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, hein. Au contraire, c'est un amour naturel. Et les gens ont besoin des biens. Et ils aiment le bien. Et ça, c'est normal. Hein? Donc, ce n'est pas du shirk. Et le shaykh, il dit, parce que ça fait partie d'aimer tout ce qui est bénéfique et tout ce qui profite à l'homme. Mais ces gens-là, aujourd'hui, on les entend dire, hein, ces genres de paroles, hein, qui disent que aimer les biens, c'est shirk. Aimer les belles voitures, c'est shirk. Aimer des belles marques, c'est shirk. Si tu portes des vêtements, des beaux vêtements, ça, ils vont dire que ça, c'est shirk ou des choses de ce genre. Ils disent, ces gens-là, c'est des ignorants. Soit c'est des ignorants qui n'ont pas appris le tawhid ou le shirk, ou bien que ce sont des gens qui se détournent de la réalité parce qu'ils veulent détourner les gens de la réalité de l'islam, la réalité du tawhid et du shirk. Ils veulent les amener vers d'autres choses. Ils ont d'autres objectifs en arrière, hein, d'autres buts en arrière. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux les intentions. Le shaykh il dit al-muhim anna hadha laysa huwa ash-shirk. Ash-shirk huwa da'watu ghayrillahi ma'ahu aw sarfu shay'in min anwa' al-ibadati li ghayrillah. كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والالتجاء والخوف والرجاء وغير ذلك. هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب. الذي هو أعظم الذنوب دعوة غير الله أو دعوة غيره معه سبحانه وتعالى. لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة كما قال سبحانه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فدعاء غير الله هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله. أما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك فليست كذلك، ولكن يقال إن بعضها جزء من الشرك، وإن هناك ما هو أخطر منه وأهم منه، لأن الشرك يتفاوت وبعضه أشد من بعض والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui est important dans qu'est-ce qu'on a mentionné, c'est de savoir que ça rentre pas dans le shirk, parce que le shirk c'est d'invoquer d'autres que Allah ou de d'offrir à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration, comme d'immoler un animal ou de sacrifier un animal, d'offrir un animal à autre que Allah, de faire des vœux pour autre que Allah, de faire des invocations à autre que Allah, de demander l'aide, le secours à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, de se tourner vers Allah, hein, de se réfugier en autre que Allah, de craindre autre que Allah, d'avoir l'espoir en autre que Allah, tout ça c'est des choses qui font partie du shirk. Donc c'est ça le shirk, et c'est le plus grand de tous les péchés. Et d'invoquer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est également parmi le shirk. Et pourquoi le shaykh il a mentionné cet exemple-là en particulier, c'est-à-dire le shaykh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a expliqué le shirk, il a dit wa huwa da'watu ghayrihi ma'ah, c'est d'invoquer d'autres avec lui. Pourquoi il a spécifié le dua en particulier? Parce que le dua c'est une des plus grandes formes d'adoration parmi les différentes formes d'adoration, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le dit dans un hadith qui est très clair, on va le lire plus tard, ça dit ad-du'a huwa al-ibada, le dua c'est l'adoration. Donc c'est pour cette raison là qu'il dit huwa huwa da'watu ghayrihi ma'a, sinon la réalité c'est que c'est d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou d'adorer d'autres avec Allah. Donc c'est pas seulement le dua, mais toute autre forme d'adoration si tu l'offres à autre que Allah, ça rentre dans le shirk. Et le shirk il mentionne des versets au sujet de l'invocation qui prouvent que si on l'offre à autre que lui, ça rentre dans le shirk. Parce qu'on sait que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a défini l'adoration en disant que c'est que yani l'adoration c'est yani toute parole ou action intérieure ou extérieure que Allah a agréé et qu'il aime. Hein? Donc toute parole ou action, intérieure ou extérieure, que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé et qu'il aime. Donc si on voit dans un verset que Allah subhanahu wa ta'ala il glorifie quelque chose, une action ou une parole, et qu'il fait l'éloge de cette action ou de celui qui fait cette action ou qui dit cette parole, ça veut dire que ça fait partie des choses qu'il aime, et donc ça veut dire que c'est une adoration. Et que si tu le fais pour autre que Allah, ça rentre dans le shirk, ça devient une forme de shirk dans ce cas-là. Donc le shaykh il mentionne le verset 14 dans sourate Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء له دعوة الحق. Comment il est traduit? Non, mais le cheikh il a parlé des biens, comme par exemple le fait d'aimer les biens ou l'argent ou les belles voitures ou les choses qui sont halal, de les aimer, ça rentre pas dans le shirk. Mais il y en a qui essaient de te faire comprendre que d'aimer la dunya, ça rentre dans le shirk pour eux, d'accord? Donc le cheikh il explique que d'aimer ces choses-là, ça fait partie d'aimer d'un amour naturel. Qu'est-ce qui rentre dans le shirk? C'est lorsque tu vas placer l'amour que tu as pour ces choses-là devant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu les aimes plus que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient du shirk dans ce cas-là. Tu comprends? Parce que la base dans l'amour, c'est que le croyant, il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Et il doit aimer tout ce qu'Allah aime, et il doit détester tout ce qu'Allah déteste. Et à partir de là, ça c'est la base. Pour revenir au verset qu'on expliquait, « La huda'watul haqq » à lui l'appel de la vérité. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne lui répondent en rien. Ils ne lui répondent en rien. Et l'autre verset, c'est le verset 14 dans Surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Invoquez donc Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte ou en lui purifiant votre religion sincèrement, même si cela déplaît aux mécréants. » Donc, invoquez donc Allah subhanahu wa ta'ala en lui purifiant votre religion, en rendant votre adoration purement pour lui seul et uniquement pour lui, même si cela déplaît aux kafirun. Et il dit donc que d'invoquer autre avec Allah ou d'autre que Allah, ça c'est du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son messager l'ont interdit. Ensuite il dit أما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك فليس كذلك ولكن يقال إن بعضها جزء من الشرك وإن كان وإن هناك ما هو أخطر منه وأهم منه لأن الشرك تفاوت وبعضه أشد من بعض والعياذ بالله. Donc des différents aspects là, des choses qu'on a mentionnées, des définitions que ces gens-là ont données par rapport au shirk et qu'ils veulent mettre comme étant la définition du shirk, hein. Et subhanallah, il y a certains quand ils prêchent ou quand ils enseignent l'islam, ils parlent du shirk et ne mentionnent que les exemples que j'ai donnés, comme par exemple les exemples de l'amour ou les exemples de l'hakimiyya ou des choses comme ça. Et ça s'arrête là. Ils ne vont pas parler d'adorer d'autres que Allah. Hein? Et même certains d'entre eux, j'ai cherché dans, par exemple, les cassettes de Tariq Ramadan pour voir tous les endroits où il a parlé du shirk. Est-ce qu'il y en avait une seule fois où il a mentionné que le shirk, hein, c'est d'offrir à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration, ou de mentionner l'exemple de l'adoration des tombes, et on le retrouve nulle part. Hein? Et même Sayyid Qutb, par exemple, dans son tafsir, Fidilal al-Qur'an, dans ses autres livres, hein, quand il parle du shirk, il parle des exemples qu'on a mentionnés. Hein? Donc, c'est shirk dans l'amour et des choses de ce genre, ou bien Ar-Riya, il parle de l'ostentation, mais pas une seule fois il a mentionné, par exemple, le fait d'adorer les tombes et d'adorer les saints et les morts. Pourtant, en Égypte, il y a des dizaines et même peut-être des centaines de tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, et il y a des millions de personnes chaque année qui vont faire des pèlerinages à ces tombes-là chaque année en Égypte. Et comment ces gens-là, ils sont aveugles ou quoi? C'est-à-dire, ils parlent de l'islam, ils enseignent l'islam aux gens, et ils leur disent rien contre le shirk que les gens vont pratiquer là-bas. Et c'est pas seulement des gens qui se disent musulmans parmi les Égyptiens qui vont faire le shirk là-bas. C'est des musulmans de plein de pays différents qui vont là-bas exprès pour faire le shirk. Hein? Ils prennent l'avion là-bas. Ils prennent l'avion pour aller là-bas. Et ils vont en groupe, il y a des groupes organisés pour aller faire le shirk, hein, en Égypte. Et subhanallah, quand j'étais en Jordanie, j'ai rencontré des groupes, ils s'en allaient, ils étaient habillés, tous pareils, hein, ils s'en allaient en avion. J'ai demandé, où vous allez à la Mecque? Ils ont dit non, on s'en va en Égypte. On s'en va faire un pèlerinage en Égypte. Ils ont dit, subhanallah, il y a des pèlerinages en Égypte. Hein? Mais oui, ils s'en allaient visiter la tombe de Hussein, comme ils le prétendent. Il y en a d'autres qui vont visiter la tombe de Al-Badawi. Bon, déjà, Hussein n'est pas, tout le monde sait qu'il n'est pas enterré en Égypte. Tout le monde sait ça. Mais ils ont dit non, sa tête, elle est. Ils ont coupé sa tête et ils l'ont amené en Égypte. Donc son corps est à une place et ils ont fait une tombe là-bas qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et il y a une autre, hein, à Karbala, et il y a une autre. La tête, c'est en Égypte. Voilà, yazoubillah. Et c'est même pas établi historiquement, il n'y a rien qui prouve ça. Donc, ils vont faire des voyages organisés comme ça. Des gens de plein de pays différents qui vont là-bas chaque année. Hein? Donc, comment ça se fait? Tu ne trouves pas de condamnation de ce genre de choses-là et d'appel au tawhid, hein, dans ces pays-là. Ça, c'est des exemples. Et ça, c'est pas seulement en Égypte. Il y en a plein d'autres pays où les gens font des choses comme ça. Hein? Et personne ne dit rien. Donc, le cheikh il dit, on ne peut pas faire juste de ces exemples, donc, comme qu'est-ce qu'on a mentionné, de l'amour ou des choses comme ça, de l'hakimiyya, prendre ça puis dire c'est ça le shirk. Hein? Parce que c'est une partie seulement du shirk. Et il y a d'autres parties qui sont plus dangereuses et plus graves et plus importantes. Comme par exemple, le fait d'adorer, d'invoquer d'autres qu'Allah. Donc le shirk, il est bien entendu de différents degrés. Et certaines catégories de shirk sont plus graves que d'autres. Voilà, yazu billah. Donc, le shirk, il dit, comme pour terminer, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَلَى وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرْكُوا بِهِ شَيْئًا. La preuve que le shirk, c'est d'adorer d'autres avec Allah, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, adorez Allah et n'associez rien avec lui. C'est le verset 36 dans Surah An-Nisa. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قلنا إن الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم ذكر بقية الحقوق فكونه بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك هذا دليل على أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به لأنه قال واعبدوا الله وأتبعه بقوله ولا تشركوا به شيئا فهذا نهي فبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك لأن الله بدأ بذلك ولا يبدأ سبحانه إلا بالأهم فالأهم وهذا وجه الدلالة من الآية. Hein? Vous savez donc que on a expliqué ce verset là tout à l'heure, adorer Allah et n'associer rien avec lui. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans plusieurs versets, il nous ordonne, par exemple, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Donc les gens, quand tu leur parles par exemple d'ordonner le bien et d'interdire le mal, première chose qui leur vient à l'esprit, comme on a dit, c'est d'interdire les péchés. Interdire le zina, interdire l'alcool, interdire le porc, interdire le riba, interdire d'autres choses. Mais ils oublient tout le temps, le premier, le plus important de tous les péchés, c'est al-shirk. Donc, al-amru bil ma'ruf, le plus grand ma'ruf, c'est quoi? C'est le tawhid. Et le plus grand munkar de tous les munkar, c'est quoi? C'est le shirk. Ça, c'est un autre point aussi, les gens, ils oublient. Hein? Donc, le cheikh, il dit, on a dit, la preuve que le plus grand, la plus grande chose qu'Allah a ordonné, c'est le tawhid, c'est le verset, adorer Allah et n'associer rien avec lui. Et il a mentionné les autres droits par la suite, hein, envers les parents et ainsi, les proches, ainsi de suite. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait commencé par le tawhid et par l'interdiction du shirk dans ce verset, ça c'est la preuve que le tawhid c'est le plus grand de tous les ordres que Allah a ordonné. C'est pour ça qu'il dit adorer Allah, puis il le fait suivre tout de suite après par et n'associe rien avec lui, ne faites pas le shirk avec lui. Et ça c'est l'interdiction. Donc il a commencé par l'ordre du tawhid et l'interdiction du shirk, et ça c'est la preuve que la plus grande chose que Allah a ordonné d'appliquer c'est le tawhid, et la chose la plus importante qu'il a interdite c'est le shirk. Et c'est pour ça que Allah a commencé par cela, parce que Allah commence toujours par le plus important et il descend par la suite il commence par qu'est-ce qui est plus important et ainsi de suite. Donc voilà la preuve que le cheikh a utilisée pour supporter cette énoncé là, puis l'argument qu'il y a derrière. Donc on va s'arrêter ici inchallah pour aujourd'hui avec l'explication de ça, et ça c'était très important. Donc on espère que inchallah c'est bien compris. Puis le prochain cours inchallah on va rentrer dans al-usul al-salata. On va rentrer dans al-usul al-salata parce que jusqu'à maintenant on a fait les trois points d'introduction de al-usul al-salata. Le premier, c'est les quatre choses qu'on a expliquées. L'explication de Surat al-Asr. Al-ilm, wal-amalu bihi, wad-da'watu ilayh, wal-sabru ala al-adhafi. Ça, c'est le premier point. Deuxième partie, c'est les trois éléments qu'on a expliqués. Le premier, tawhid al-rububiyya et l'obéissance au messager. Le deuxième, c'était, de rien adorer avec Allah, de rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième point, c'était al-wala wal-bara. Puis, dans la troisième partie qu'on vient de terminer, c'est l'explication que le plus grand, la religion d'Abraham, al-millatu Ibrahim, al-hanifiya, c'est d'adorer Allah et de rejeter ce qui est adoré en dehors de lui. Puis on a expliqué qu'est-ce qui est la plus grande chose que Allah, la plus grande chose que Allah a ordonné, c'est le tawhid. Et le plus grand péché qu'Allah a interdit, c'est le shirk. Et on vient de terminer cette partie-là. Maintenant, on rentre dans la quatrième partie. C'est l'explication des trois fondements de al-usul al-thalatha. Et c'est donc là qu'on rentre dans le cœur de la risala elle-même, qui est la quatrième partie, al-usul al-thalatha. Donc on va s'arrêter ici. Inch'Allah, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.